comme l'on couille des sons. Jamais moins bonne loi. Et pour moi, et dis-moi, chérie, sois à moi pour la vie. Pas moi, souris, non, l'on couille des sons. Jamais moins bonne loi. Et pour moi, et dis-moi, chérie, sois à moi pour la vie. La cascade pour rien. Et dis-moi, chérie, chantez-moi, Galini. Et moi, en plongeant, disparaît dans l'eau. Réfléchis-moi, dis c'est en sirène qui fait moi j'étais là. Il beau moi, il fait moi un mail. Et puis quittez-moi, laisse-moi. Réfléchis-moi, dis c'est en sirène qui fait moi j'étais là.